Vous écoutez France Culture. Troisième et dernier temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire qui explore donc en trois temps jusqu'à aujourd'hui trois aspects de l'histoire de l'Europe, tandis que l'émission Culture Monde à 11h sur France Culture traite chaque jour des angles morts de l'Europe d'aujourd'hui. Lundi, le documentaire de Séverine Yatta et de Séverine Cassard nous racontait la création des traités signés donc à Rome en 1957. Hier, nous avons évoqué les visions européennes de Napoléon, donc à 200 ans après son départ pour l'île d'Elbe. Et aujourd'hui, au lendemain de la canonisation de Jean-Paul II, un pape qui tenait beaucoup à l'idée d'une Europe aux racines chrétiennes, nous allons poser une question simple. Peut-on simplement parler d'une Europe chrétienne au Moyen-Âge? Car si l'on en croit la foi européenne qu'avait Jacques Le Goff, disparu récemment, l'Europe que nous connaissons est bien née au Moyen-Âge. Mais quelle Europe? Celle de l'Ouest, celle du Centre et de l'Est? Et quelle chrétienté? C'est ce que nous verrons avec nos trois invités. Jacques Dallarin, il est directeur de recherche au CNRS, membre de l'Institut. Il vient de publier Le Cantique de Frère Soleil, François d'Assise réconcilié aux éditions Alma, et il sera en direct avec nous depuis les studios de la RAI à Bologne qu'il accueille et nous les en remercions. Michel Sault est avec nous à Paris, il est professeur honoraire à l'université de Paris 4 Sorbonne et spécialiste de Charlemagne et de son règne, et il vient de co-publier, de co-éditer aux éditions Les Belles Lettres, La vie de Charlemagne des Ginards. Et puis Elisabeth Lucet est avec nous, elle est spécialiste de la fin du Moyen-Âge, elle est pensionnaire à la Fondation Thiers, rattachée au LAMOP, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Et puisque j'évoquais justement Jean-Paul II en ouverture de cette émission, eh bien écoutons cette archive de 1988. Nous sommes le 11 octobre 1988 et Jean-Paul II s'exprime en français. Mon vœu est que l'Europe, se donnant souverainement des institutions libres, puisse un jour se déployer aux dimensions qui lui ont donné la géographie et plus encore l'histoire. Comment ne les souhaiterais-je pas, puisque la culture inspirée par la foi chrétienne a profondément marqué l'histoire de tous les peuples, et notre unique Europe. Voilà donc pour cet extrait d'une allocution de Jean-Paul II en 1988 qui évoque une Europe unie, une Europe unique autour de la chrétienté et de ses racines chrétiennes. Alors nous n'allons pas revenir, et d'ailleurs ça n'est pas le titre de cette émission sur cette question des racines chrétiennes de l'Europe, mais néanmoins nous voulions partir de ce postulat, de cette discussion qui a été fort vive il y a maintenant une vingtaine et puis une dizaine d'années autour de ces questions-là, pour nous interroger sur cette Europe chrétienne du Moyen-Âge. D'abord, le terme même d'Europe, Michel Sault, est assez compliqué à appliquer à cet espace géographique. Et encore plus, la question de savoir si c'est une Europe chrétienne et pourquoi cette chrétienté s'est, entre guillemets, réfugiée dans cette partie de la péninsule europo-asiatique. De façon un peu peut-être provocatrice, je voudrais commencer par dire que au départ, le christianisme n'est pas européen, mais asiatique. En effet, le pays d'origine du christianisme est la Palestine, comme chacun sait. L'espace où s'est pensé le christianisme, où s'est développé le christianisme dans les premiers siècles, est un espace oriental, largement asiatique. Pensons à la Syrie, à l'Asie mineure. Pensons que saint Paul est originaire de Tarse, Tarse en Cilicie, aujourd'hui en Turquie. Que les épîtres de Paul sont adressées aux Colossiens, aux Éphésiens, à des gens qui sont aujourd'hui en Turquie. Et puis que, d'une façon générale, la pensée chrétienne s'est élaborée dans les grands conciles qui se sont tenus. Et pas simplement à Nicée, mais dans toutes les autres. Presque tous en Turquie actuelle, c'est-à-dire en Asie mineure, il est vrai, avec Constantinople qui est sur la rive européenne du Bosphore. Donc, le christianisme naît en Orient. Il naît aussi dans l'Empire romain. Or, l'Empire romain est un empire emblématique dans notre histoire, qui a réuni ce que nous appelons aujourd'hui Orient et Occident, et ce qui a contribué à la diffusion du christianisme dans tout l'espace de l'Empire romain. Et on peut le rappeler aussi, au-delà, une partie des chrétiens encore présents aujourd'hui étaient dans l'Empire perse. Mmh. Et donc, il y a toute une histoire orientale et, encore une fois, asiatique. Orientale, méditerranéenne, voilà. de ce christianisme. Mais alors, d'une certaine façon, il va finir par se réfugier, vous qui êtes spécialiste de ce qu'on appelle le haut Moyen-Âge, se réfugier justement dans ce bout de péninsule qu'est l'Europe telle qu'on l'entend aujourd'hui, donc avec deux axes et deux centres, pourrait-on dire. Ce centre romain qui aura beaucoup de mal d'ailleurs à percer ou à réémerger dans les premiers siècles de notre ère. Et puis ensuite, l'autre sens, qui est bien entendu le centre byzantin et oriental, Michel Sceau. Oui, parce que l'Empire romain, à la fin du IVe siècle, à la suite d'évolutions culturelles, politiques, se partage en deux. 395, un empire romain ou une partie orientale de l'Empire romain, et puis une partie occidentale de l'Empire romain. Et ce partage de 395 est très représentatif et, j'allais dire, est prémonitoire de ce qui va se passer ensuite, c'est-à-dire d'une évolution du christianisme qui sera un christianisme oriental d'une part et un christianisme occidental. Dans le prolongement, on peut placer le schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident du milieu du XIe siècle et qui est la séparation entre les églises que l'on appelle aujourd'hui catholiques et orthodoxes. Donc il y a une séparation à ce moment-là, mais dans le haut Moyen-Âge, le phénomène majeur, et qui est d'ailleurs un phénomène majeur de l'histoire en général, c'est l'expansion de l'islam. Mmh. C'est l'expansion de l'islam et la naissance de l'islam, pas très loin des origines du christianisme, hein, la Mecque, Jérusalem, ça n'est pas très loin. Et l'expansion de l'islam qui recouvre, j'allais dire, toute... Une chrétienté qui était au sud de la Méditerranée, voilà, en particulier. Toute la partie orientale et méridionale du christianisme. Donc, un phénomène majeur qui est l'expansion de l'islam et qui, en quelque sorte, refoule le christianisme. Bien sûr, il ne faut pas se représenter ces phénomènes religieux ou culturels comme des phénomènes radicaux. Il y a des chrétiens et des chrétientés en pays d'islam, de même qu'il y a des musulmans en pays chrétien. Mais il y a, à partir de ce moment-là, un refoulement du christianisme vers sa partie occidentale. Alors, les grands patriarcats d'Orient, Antioche, Alexandrie, Jérusalem, se trouvent sous domination musulmane, d'où le reflux vers l'Occident, un Occident ou vers le Nord, un Occident ou un pays nordique qui, vu d'Antioche, vu d'Alexandrie, est représenté à la fois par Rome et par Constantinople. Mmh. Donc le christianisme est européen, si l'on veut, mais il est européen parce que s'est développé l'islam qu'il a en quelque sorte refoulé vers le nord et vers l'Occident. J'ajoute que quand on pense à l'Occident du haut Moyen-Âge, il ne faut pas oublier que faisait partie de l'Occident romain une région extrêmement importante à laquelle on ne pense pas spontanément aujourd'hui, qui est l'Afrique. Mmh. Et une des deux grandes figures du christianisme occidental, Jean-Paul II dirait du christianisme européen, c'est saint Augustin. Bien sûr. C'est saint Augustin qui est un Africain. Et donc, quand on pense christianisme occidental, bien sûr, c'est l'Europe, mais c'est aussi d'autres régions qui lui sont proches. Alors, bien sûr, Jacques Dallarin, il est compliqué, vous êtes en duplex de Bologne avec nous, bonjour, il est compliqué d'évoquer une seule Europe, une seule chrétienté dans une durée de temps aussi longue, puisqu'on vient de démarrer cette émission avec Michel Sceau, qui nous expliquait évidemment ce qu'était cette conversion de l'Empire romain dans les 4e et 5e siècles à cette religion chrétienne, mais aussi cette division donc entre deux parties de l'Europe et puis cette Europe qui est constituée à la fois de ce qu'on appelle l'Europe aujourd'hui mais aussi de cette Afrique où grandit saint Augustin, ce qui rend extrêmement complexe le parallélisme qu'on a pu vouloir faire à certains moments entre justement ce qu'on a appelé plus tard l'Europe chrétienne et puis cette période en particulier au haut et même au Moyen-Âge central. Oui, je crois que les rappels qu'a fait Michel Sault en ouverture étaient tout à fait fondamentaux. On ne peut pas confondre l'Europe et le christianisme, puisque l'Europe médiévale n'était pas entièrement chrétienne et le christianisme n'a jamais été exclusivement européen. Il est d'origine proche-orientale, d'ailleurs comme les deux autres religions du livre, le judaïsme et l'islam. Il s'est développé, Michel le rappelait, d'abord plus vers l'Est que vers l'Ouest. Et je rappelle par exemple que l'Éthiopie s'est convertie au christianisme au tournant des 4e et 5e siècles, c'est-à-dire un millénaire avant que la Prusse ou la Lituanie, par exemple, soient elles-mêmes converties au christianisme. Donc le fait d'assimiler l'Europe au christianisme, c'est une vue très contemporaine. On a entendu l'intervention de Jean-Paul II, mais on sait bien dans quel contexte elle se situait. Ah bien sûr, 1988, mais oui, bien un évidemment. An avant la chute du mur de Berlin. Un an avant la chute du mur, où il y avait d'autres enjeux. Non seulement Michel Sault évoquait le Proche-Orient, mais n'oublions pas qu'en Chine, il y a eu des conversions au christianisme très tôt. La légende voudrait que ce soit l'apôtre Thomas qui soit allé évangéliser la Chine. Et quand Jean de Montecorvino, un missionnaire franciscain à la fin du XIIIe siècle, arrive en Chine, il a la surprise de découvrir des communautés que l'on dit nestoriennes, qui ont vécu complètement en vase clos dans certaines régions de Chine. J'étais très heureux aussi que Michel Sault rappelle que Augustin, qui est un des quatre grands-pères de l'Église, avec Ambroise, Jérôme et Grégoire le Grand, était maghrébin. Il est né dans ce qui serait aujourd'hui l'Algérie. Il a été évêque d'Hippone dans ce qui serait également l'Algérie. Et lorsqu'il écrivait à un de ses prêtres pour l'inciter à prêcher dans la langue de ses fidèles, il lui disait « Rappelle-toi que je suis africain, que tu es africain et que tu parles à des Africains. » Dans les textes que j'ai fréquentés, d'ailleurs, je ne trouve jamais l'expression d'Europe chrétienne. Donc c'est une vue, on le sait, qui est très, très infiltrée d'idéologie, qui est postérieure au Moyen-Âge. Les divisions médiévales ne sont pas celles-là. Et surtout, jamais dans le discours ni de la papauté, ni des prédicateurs, on ne trouve cette assignation du christianisme à un espace clos, puisque par définition, le christianisme doit s'étendre d'une certaine façon. Il est catholique, c'est-à-dire étymologiquement universel. Donc je crois que assigner le christianisme à l'Europe et l'Europe au christianisme, à un moment en plus où, pour la première fois depuis bien longtemps, le pape n'est plus originaire d'Europe, ce serait à la fois une erreur par rapport au passé et une faute par rapport à l'avenir. Michel Sault, si vous voulez compléter ce que vient de dire Jacques Dallarin sur ses propos introductifs, pourrait-on dire, dans notre émission ? Oui, alors je partage tout à fait ce qu'il vient de dire sur le caractère universel, c'est-à-dire la volonté de parvenir dans toutes les régions du monde. Et en effet, nous avons de nombreux indices, aussi bien par la présence de ces nestoriens de Chine, hein, qui, rappelons-le, étaient des chrétiens qui n'étaient pas de l'Empire romain, hein, qui étaient dans l'Empire perse, hein, les nestoriens au départ, et donc qui étaient plus ouverts vers au-delà de l'Empire romain que vers l'intérieur de l'Empire romain. Et puis aussi la situation contemporaine avec un pape qui n'est plus romain ou européen. Mais ce qu'il faut peut-être souligner maintenant, c'est qu'il y a un moment quand même où le christianisme, j'allais dire, se concentre vers l'Europe. Alors peut-être est-ce les historiens occidentaux que nous sommes sont un peu fascinés par ce phénomène, mais de fait, il y a un moment, et pour moi, c'est, vous avez eu la gentillesse de rappeler ma publication récente de la vie de Charlemagne par Regina, c'est au temps de Charlemagne. C'est-à-dire que c'est l'Empire carolingien dans lequel certains ont voulu voir une première Europe unie, alors là aussi avec toutes les ambiguïtés qu'il y a autour de... D'ailleurs, il y a un prix Charlemagne qui est remis chaque année à ceux qui défendent l'Europe, oui, on voit bien. Voilà, qu'il y a autour de ces expressions, et il y a eu des usages de Charlemagne au milieu du XXe siècle qui n'ont pas été forcément très... La fameuse division Charlemagne, voilà, en particulier. Entre autres, qui n'ont pas été très heureux. Mais... Alors, dans quelle mesure peut-on parler d'une Europe unie autour de Charlemagne ? Bien sûr, si on fait la carte des conquêtes de Charlemagne, on arrive, alors une carte que Charlemagne lui-même n'a jamais vue, mais ça, c'est une autre question. On arrive à une carte, j'allais dire, qui ressemble un peu à celle de l'Europe des Six du traité de Rome que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire avec la France, la Belgique, le Benelux, comme on disait à l'époque, l'Allemagne et l'Italie, pas l'Angleterre ni l'Espagne au départ. Et donc, voilà, on a une petite Europe qui est une première Europe unie, si on veut. Unie de quelle façon? Alors, bien sûr, à très gros traits, on va dire unie par le christianisme. Unie par le christianisme parce que, en effet, il appartient à la politique de l'empereur. Le but de l'empereur est de conduire le peuple au salut. C'est-à-dire, ce n'est pas tout à fait nouveau. C'est une reprise du IVe siècle. C'est la conception de Constantin et de Théodose, pour dire les choses de façon un petit peu brutale. C'est-à-dire qu'il s'agit pour l'empereur de conduire le peuple au salut. Et évidemment, un peuple, un populus, qui est le peuple, quel peuple ? Le peuple européen, sans doute pas, enfin, cette notion n'a pas grand sens, qui est le peuple de ces territoires conquis par l'Empire. Et héritier de l'Empire romain. En partie héritier, mais beaucoup plus petit que l'ancien Empire romain d'Occident. Et cet empire qui, lui aussi, a vocation universelle, comme l'Église. Mais en l'occurrence, Jacques Dallarin, cet empire reconstitué par cette personnalité qu'a si longtemps étudié Michel Sceau, cet empire est aussi un ferment de division dans cette Europe. En l'occurrence, on connaît la division qu'il y a entre empire et papauté dans les années qui suivent, enfin dans les siècles qui suivent, et combien justement il n'y a pas là d'unité de ce territoire qui ne s'appelle pas encore territoire européen ou qu'on n'appelle pas encore territoire européen, y compris autour de cette même chrétienté. Oui, cet empire, Michel le sait bien, cet empire est politiquement éphémère, puisqu'il ne dure guère au-delà de Louis le Pieux, le fils de Charlemagne. Ensuite, il y a division de l'empire entre les trois fils de Louis le Pieux. Cet empire n'a jamais eu d'unité linguistique. Souvenez-vous du traité de Strasbourg, où pour que le même message soit reçu par les soldats présents de l'Ouest et de l'Est, il fallait le traduire dans les langues vulgaires. Donc c'est une unité politique éphémère, on pourrait dire culturellement superficielle, et pourtant... Une idée politique aussi. C'est une idée politique qui vient contrebattre ou que va contrebattre la papauté bientôt. Alors, c'est une idée politique qui ressuscite l'idée de l'Empire romain avec une sorte de décentrement, effectivement, de la Méditerranée vers l'Europe plus nord-ouest, disons comme cela. Mais ça se fait, d'une part, Charlemagne sait très bien qu'il y a un autre empereur à l'Est et qui a une légitimité beaucoup plus ancienne, puisque lui descend de manière continue, pas par le sang, mais politiquement, j'entends, est le successeur d'un empire romain qui n'a jamais disparu en Orient. Et puis, il y a la papauté, les rapports, je ne vais pas détailler les rapports de Rome et de l'Empire, qui sont d'une extraordinaire complexité, dès la période de Charlemagne, dès le couronnement de l'an 800, sur lequel de nombreuses versions, on le sait, peuvent être entendues. Mais effectivement, au XIe siècle, il y a une tension entre ces deux luminaires, l'empereur, pour ce qu'il subsiste de l'empire, c'est-à-dire le titre, et la papauté, et c'est ce que l'on appelle la réforme grégorienne, qui, à partir de la deuxième moitié du XIe siècle, va s'opposer à toute intervention des pouvoirs séculiers à l'intérieur de l'Église. Alors, donc, l'Empire carolingien, politiquement éphémère, mais avec néanmoins un impact qui reste très fort. Par exemple, le fait que, et ça n'est pas sous Charlemagne, c'est sous Louis le Pieux, le fait que la règle bénédictine en 817 soit imposée comme l'unique règle monastique de tout l'espace impérial, ça, c'est quelque chose qui non seulement reste bien au-delà de la formation politique carolingienne, mais qui s'étend même au-delà des limites de ce qu'était alors l'Empire carolingien. En fait, si vous voulez, quand on regarde les choses de loin, quand on parle, Vous avez dit fort justement, Emmanuel, qu'on ne reviendrait pas sur ce thème, mais quand on parle des racines chrétiennes de l'Europe, on a la vision d'une sorte de monde immobile, cohérent, parfaitement... Clos et rassurant, somme toute. Mais bon, je crois que c'est Gérard Genette qui disait « La nostalgie, c'est le plus souvent le regret stérile d'un passé imaginaire le christianisme médiéval... » Est en mouvement. Est constamment en mouvement. Et à l'idée de racine, je préfère mille fois celle de tradition, qui évoque une transmission. La tradition, ça n'est pas le contenu clos d'une doctrine, c'est le fait de la transmettre, et puis qui est constamment de en mouvement, en rupture, qui est constamment en conflit, qui est constamment en conflit entre pouvoir séculier, pouvoir spirituel. Et à l'intérieur même de l'Église elle-même. À l'intérieur même de l'Église, la réforme grégorienne que j'évoquais à l'instant, c'est à la fois une opposition aux puissances séculières, aux rois, aux empereurs, aux seigneurs locaux, mais c'est également pour l'évêque de Rome un moyen d'imposer son hégémonie sur l'ensemble des églises locales qui, jusqu'au XIe siècle, avaient une autonomie infiniment plus grande qu'elles n'ont eu par la suite. C'est-à-dire que la réforme grégorienne, c'est aussi confondre le diocèse de Rome avec l'ensemble des églises, l'église s'employait au pluriel jusque-là, avec l'ensemble des églises qui se trouvent dans la sphère d'influence de l'évêque de Rome. Et enfin, le dernier point, c'est que non seulement il y a ces conflits politiques religieux, ces conflits intra-religieux, mais le christianisme, c'est un ressourcement permanent. Et donc, dans une optique que Max Weber a merveilleusement, et j'ai envie de dire définitivement fixée, c'est peut-être un des lieux où l'on voit le mieux ce que Max Weber appelle l'alternance entre la dialectique entre le charisme et l'institution. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le christianisme se croit tranquille, s'établit, s'installe, et c'est fini. C'est le début de la révolte. Voilà, il y a un fou inspiré qui vient et qui rappelle des mots très simples, ceux du Christ au jeune homme riche. Va, vends tout tes biens, donne aux pauvres, viens, suis-moi. Et ça, c'est forcément le Saint-François sur lequel vous travaillez. Je donne la parole à Michel Sault pour vous répondre, Jacques Dallarin. Je n'ai pas de réponse à faire à Jacques. Un complément. À fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je souligne simplement que le pape François, quand il a été élu et qu'il est paru au balcon de Saint-Pierre de Rome, s'est adressé à la foule en tant qu'évêque de Rome et non pas en tant que pape, en soulignant qu'il était l'évêque de Rome. Mais je voudrais revenir aux Carolingiens une minute. En effet, sans doute, il y a toutes les tensions que nous avons dites et toutes les limites que nous avons dites. Mais il ne faut pas non plus, j'allais dire, aller trop loin en ce sens. Dans l'autre sens. Voilà. Et Jacques a donné le très bel exemple de la règle de Saint-Benoît, qui devient la règle jusqu'à nos jours, de tout le monachisme occidental. Oui, de tout le monachisme, pas des mouvements religieux en général. Et cet exemple est un excellent exemple, et on sait l'importance du monachisme dans la constitution de ce que l'on est en train d'appeler la chrétienté européenne ou l'Europe chrétienne. Mais il y a d'autres éléments aussi importants. Et un élément fondamental dans la société de notre époque, c'est la liturgie. La liturgie, j'allais dire, ce sont les médias d'aujourd'hui. La liturgie, or, que se passe-t-il à l'époque carolingienne ? Eh bien, il y a une certaine unification liturgique, fixation, avec l'importation et la diffusion un petit peu partout de la religion romaine, mais imposée, que les Carolingiens tentent d'imposer. Pour le droit canonique, c'est la même chose. Chaque église a son droit, a son droit canonique, avec des éléments communs, évidemment. Il y a une volonté d'unification du droit. Et j'ajouterais un élément auquel on ne pense pas habituellement, mais il y a de multiples textes de la Bible, de multiples traductions latines de la Bible. Et Charlemagne demande à Alcuin et Théodulphe de donner un texte, nous dirions aujourd'hui, canonique, officiel de la Bible, ce qu'ils font. Elisabeth Lucet, vous êtes spécialiste justement de ce monachisme occidental, mais à des siècles un peu plus tardifs, puisque vous êtes spécialiste de la fin du Moyen-Âge. Vous voulez réagir à la fois à ce que disaient Jacques Dallarin et Michel Sault sur justement cette unification progressive, même s'il faut, comme le disait à l'instant Jacques Dallarin, il faut aussi montrer les dissensions, les tensions, les évolutions et la tradition plutôt que les racines à propos de la chrétienté en Europe. Oui, alors nous avons fait quelques allers-retours, hein, puisqu'on nous sommes repartis de François d'Assise pour revenir aux Carolingiens. Chacun a sa sphère de compétence. Benoît Danian contribue effectivement à faire de la règle de Benoît la règle suivie par les monastères bénédictins. Il faut ensuite souligner le rôle de ce qui n'est pas encore ce qu'on appellera ensuite l'ordre de Cluny, mais ce qu'on appelle l'Ecclesia Cluniacensis, puisqu'en fait Cluny n'est pas au XIe siècle un ordre, mais un ensemble hétéroclite de monastères qui sont fédérés par l'autorité charismatique de l'abbé de Cluny et par des coutumes. Mais ça n'est qu'au XIIe siècle que l'on voit émerger des formes plus institutionnalisées d'ordre religieux au sens juridique du terme. Et d'ailleurs, souvent, dans les manuels de lycée, on donne à voir une Europe qui serait l'Europe, justement, de Cluny, qui serait cette squelette de l'Europe que l'on connaît aujourd'hui. Quand on veut faire une sorte de parallèle, souvent, c'est ce qu'on fait. Mais il est frappant de constater que Jacques Le Goff, par exemple, ne parle de Cluny, dans le rôle de Cluny dans la croisade, mais alors j'ai peut-être mal regardé le sommaire, mais il ne parle pas des cisterciens et de la constitution des ordres religieux au XIIe siècle. Or, ces ordres religieux, non seulement donc, ont la même règle, mais décident de diffuser une même norme dans un projet de propagation à l'échelle. Alors, européenne, mais en fait, finalement, il n'y a pas de limite. Universelle. Et il s'agit de, à l'échelle d'un espace universel, d'organiser une cohésion organisationnelle en faisant en sorte que les ordres religieux soient fédérés par un seul et même chapitre général, les supérieurs de l'ensemble de l'Occident étant censés confluer chaque année vers ces chapitres généraux. Ces ordres religieux définissent de manière claire les liens institutionnels qui unissent les monastères, par exemple chez les cisterciens avec un système de filiation, les abbayes fondant des abbayes filles. Et puis, cette cohésion organisationnelle est aussi organisée par un système de visites à l'échelle de la chrétienté. Hein. Mm-hmm. Il s'agit en fait de fédérer ces monastères autour d'une même organisation. Alors, vous voyez ce que voit déjà poindre Michel Sault pour l'époque carolingienne, c'est-à-dire une unification progressive, une volonté en tout cas de normer cette chrétienté, mais par l'intermédiaire justement de ces grands réseaux d'abbayes, qu'elles soient clunisiennes d'abord, cisterciennes ensuite, à partir du XIIe siècle, Elisabeth Lucet. Alors, volonté de normer la société, volonté d'abord de normer les monastères, eux-mêmes, ça c'est sûr. Dimension transrégionale. Voilà, on ne peut pas encore parler de nation, mais il s'agit d'aller au-delà des limites des et des particularités et d'organiser ces ordres religieux autour d'un centre et de périphéries. Et vous parlez tout à l'heure, Jacques Dallarin, de ceux qui renversent la table, pourrait-on dire, régulièrement dans la chrétienté médiévale. Vous êtes grand spécialiste et vous venez tout juste de publier une nouvelle version du Cantique de Frère Soleil, François d'Assise réconcilié chez Almain Éditeur. Justement, ce François d'Assise, il a quelle vision de cette chrétienté qu'on n'appelle pas européenne, cette chrétienté universelle et de ses frontières ? Oui, alors simplement juste une précision, Emmanuel, je n'ai pas donné une nouvelle version du Cantique de Frère Soleil, j'aimerais bien pouvoir une nouvelle, le faire. C'est un nouveau commentaire, excusez-moi, c'est bien ce que je voulais dire. Le texte, vous l'avez compris. Oui, j'ai un petit peu modifié la traduction française, mais le texte italien reste le monument extraordinaire que l'on sait. François d'Assise fait partie effectivement de ces fous de Dieu qui repartent de l'origine, c'est-à-dire du message évangélique. Il a une vision territoriale de la chrétienté, mais justement d'un territoire sans limite. C'est d'ailleurs pour cela qu'il se rendra auprès du sultan à un moment. Mais ou bien un autre. Sûr, bien sûr. Je crois que l'indicateur que nous avons choisi, celui des ordres monastiques, est pertinent parce qu'il y a une première période, effectivement, où chaque maison monastique est une manière de vivre la vie religieuse en soi avec des liturgies extrêmement spécifiques. Oui, avec la volonté de se distinguer aussi des autres maisons voisines, par exemple. Oui, puis simplement le fait qu'on a fait vœu de stabilité, donc on reste dans une maison donnée. On y vit en vase clos, puis les coups de coutumes se développent de cette manière-là. Cluny, déjà, les ordres réformés ou nouvellement créés à la fin du XIe et pendant le XIIe siècle vont dans le sens de réseaux beaucoup plus tendus. Quant aux ordres nouveaux, et j'en reviens à François d'Assise, puisque vous me posiez la question, quant aux ordres nouveaux, que sont en particulier les frères mineurs, ce que l'on appelle les franciscains, et les prêcheurs, ce que l'on appelle les dominicains. Là, c'est une vision qui, d'emblée, est une vision unitaire de l'ordre, d'un ordre religieux. C'est-à-dire, ça n'est pas une association de maisons locales qui, petit à petit, se constituerait dans une sorte d'échafaudage. Ça n'est pas non plus une filiation d'abbaye en abbaye comme le pratiquaient les cisterciens. C'est l'unité de base, c'est l'ordre. Et les provinces, les custodies, les couvents ne sont que des subdivisions de cette unique unité. Et cette unité n'a pas de limite territoriale. L'obsession de François, c'est évidemment d'aller vers l'Orient. D'ailleurs, autant le terme d'Orient est employé dans la littérature spirituelle, autant le terme d'Occident l'est rarement. Parce que l'Occident, ces gens avaient évidemment toutes les étymologies latines à l'esprit. Et l'Occident, c'est le côté de la chute. L'Orient, c'est le côté de la naissance. Et quand Dante parle de François d'Assise dans le paradis de la Divine Comédie, il dit « on pourrait presque dire Orient ». Et François a cette obsession de l'Orient, il veut absolument aller sur les traces du Christ, toute sa vie est dictée par cette exigence, mais il veut y aller, je dirais, là, géographiquement, physiquement, il fait plusieurs tentatives pour s'y rendre, finalement c'est en Égypte qu'il débarque, qu'il a cette rencontre difficile à cerner dans le détail, mais à coup sûr, il a rencontré le sultan, à coup sûr, il a eu un dialogue avec lui, à coup sûr, il n'a pas insulté l'islam puisqu'il en est ressorti, il n'a pas insulté le prophète puisqu'il en est ressorti vivant. Et François avait donc cette idée de retourner vers la source du christianisme qu'évoquait au départ Michel Sault, c'est-à-dire la Terre Sainte. Et il ne pouvait, et ce sont d'ailleurs les franciscains qui se voient concéder la garde des lieux saints dès cette époque. Donc il ne pouvait pas avoir une vision européenne, puisque pour lui, il y avait cette aimantation vers les lieux mêmes de la vie du Christ. Et les franciscains sont un ordre missionnaire qui vont très vite vers les Mongols, les Tatars, la Chine. Donc c'est encore une fois, on retrouve là, dans cette volonté franciscaine, l'idée d'une catholicité au sens le plus étymologique. Et alors, Michel Sault évoquait la liturgie, c'est à ce moment-là aussi qu'un ordre comme l'ordre franciscain se dote d'une liturgie unique. La liturgie, c'est fondamental. On en a perdu aujourd'hui un peu le sel, mais c'est ça qui forge véritablement l'unité des corps religieux, j'entends, de ces différentes institutions religieuses. Et comme les franciscains ne sont plus assignés à un monastère en particulier, mais peuvent circuler d'un couvent à l'autre, il faut qu'en tout lieu, ils puissent s'associer au cœur de leurs frères et chanter la même liturgie. Et il y a une uniformisation de la liturgie, et y compris de la musique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter d'indiquer l'air d'une hymne, par exemple, par des neumes qui ne sont en fait qu'un aide-mémoire à un air déjà connu. Il faut fixer les notes sur la portée pour que d'un couvent à l'autre, on soit bien assuré de chanter la même louange au Seigneur. Michel Sault, vous vouliez intervenir ? Oui, pour rappeler, enfin, nous sommes maintenant tout à fait entrés, et c'est heureux, dans le tissu même de cette chrétienté médiévale. Je voudrais rappeler néanmoins qu'avec la réforme grégorienne, qui est donc ce grand phénomène lié par son nom au pape Grégoire VII de la seconde moitié du XIe siècle, s'affirme une distinction fondamentale pour nous aujourd'hui entre le temporel et le spirituel. Entre, pour le dire de façon un petit peu grossière, le politique et le religieux. Notion qui n'était pas bien distinguée jusqu'à ce moment-là. L'empereur dont je parlais tout à l'heure, mais je n'en parle plus parce que j'ai l'air de revenir toujours au Carthaginien. Non, pas du tout. Vous avez... L'empereur, est-ce que sa fonction est politique, est-ce que sa fonction est religieuse? Ces catégories ne sont pas opérantes. Il est les deux à la fois. À partir du XIe siècle, le pape et l'empereur, le pape et le roi. Ce sont deux pouvoirs, hein, politique, l'autre religieux, avec évidemment des interférences entre les uns et les autres. Et alors, cette chrétienté médiévale, il faut quand même souligner qu'elle est largement dominée, hein, par la personnalité du pape, hein, par cette personne du pape, par cette fonction pontificale, cette fonction monarchique, hein, qui restera, j'allais dire, le modèle de la... De la papauté pratiquement jusqu'à nos jours. Mais on a l'impression, à vous entendre, Jacques Dallarin, et vous, Michel Sault, et un peu également Elisabeth Tusset, qu'au bout du compte, si cette chrétienté se réfugie, comme vous l'avez dit dès le départ, sous la pression sur cette partie du continent qu'est l'Europe occidentale, elle n'a de cesse que de vouloir... S'en évader d'une certaine façon. Ce que nous dit Jacques Dallarin, c'est ses ordres, les ordres franciscains, les ordres prêcheurs s'en vont bien au-delà et veulent retourner à la source, ils veulent aller du côté de l'Orient. Est-ce que vous avez cette même impression, Michel Sault ? C'est-à-dire que ça serait presque par défaut que cette chrétienté a été cantonnée ou qu'on a plaqué ce modèle chrétien sur l'Europe de l'époque. C'est ce que dans notre conversation d'aujourd'hui, on est en train de définir. De montrer. Alors, est-ce que c'est juste question. Mais en effet, on a quand même ce sentiment, si on regarde les choses, alors non pas en partant du centre, mais en partant de la périphérie, comme on l'a fait un petit peu dans nos discussions d'aujourd'hui, eh bien, qu'en effet, on a une concentration sur l'Europe, enfin sur le Finistère de l'Eurasie, qui est notre Europe des six, ou des, maintenant aujourd'hui plus large, mais intégrant des pays qui étaient à l'intérieur de l'orthodoxie ou de l'Église d'Orient, eh bien, on a un peu l'impression que, oui, il y a une concentration qui est... Alors, à la fois qui n'est pas volontaire, hein, et qui est lié à un contexte mondial qui va en ce sens. Elisabeth Lucet, vous qui travaillez sur cette fin de Moyen-Âge, on a bien compris le haut Moyen-Âge avec Michel Sault, le Moyen-Âge central, est-ce que nous en a dit Jacques Dallarin ? Qu'est-ce qui change, par exemple, qu'est-ce qui change avec ce sur quoi ont travaillé beaucoup d'historiens, la naissance des nations, la naissance des États en particulier, la grande naissance des États dans ces années entre le Moyen-Âge central et la fin du Moyen-Âge, qui peut-être perturbe justement... toutes ces volontés unificatrices que vous nous avez décrites à travers les ordres religieux du Moyen-Âge central. L'émergence la genèse de ces États nationaux modernes. Au cours du XIVe et du XVe siècle, effectivement, perturbe les velléités de l'Église d'être l'unique référence supranationale. Pour se cantonner aux ordres religieux, effectivement, l'organisation des ordres religieux est perturbée par les guerres entre notamment le Royaume d'Angleterre et le Royaume de France. On reproche aux supérieurs des abbayes anglaises d'aller justement au chapitre général qu'on soupçonne d'être dans l'obédience française. Et donc on voit que l'horizon des ordres religieux au XIVe et au XVe siècle tend à se restreindre à une dimension plus régionale, alors qu'auparavant les circulations se faisaient à des échelles peut-être un peu plus grandes. On voit que, notamment pour les chartreux, les transferts disciplinaires entre les moines se réduisent à la province. Dans laquelle ils sont situés. On voit aussi que certains religieux se plaignent d'être envoyés dans des contrées qu'ils estiment hostiles, parce que l'air, la nourriture et la langue ne sont pas celles qu'ils connaissent. Donc la dimension supranationale, transrégionale des ordres religieux tend à être mise à mal par l'émergence de ce qu'on peut appeler rapidement les nationalistes. Les États, comme ce sur quoi travaille Jean-Philippe Jeunet ou d'autres qui travaillent sur ces questions-là. Jacques Dallarin, qu'est-ce que vous pensez justement de ce moment en particulier qui, effectivement, montre qu'entre les débuts du Moyen-Âge, le Moyen-Âge central et la fin du Moyen-Âge, il y a bien des nuances à apporter à cette question d'une Europe uniformément chrétienne, même si on sait depuis le début qu'elle est au moins divisée entre deux parties, c'est-à-dire l'Orient orthodoxe et l'Occident chrétien catholique. Oui, et puis n'oublions pas, on ne l'a pas encore dit parce que ça tombe sous le sens pour nous tous, mais n'oublions pas par exemple que pendant tout le Moyen-Âge, il y a eu des communautés juives répandues dans toute l'Europe, bien sûr. Et bien évidemment dans tout le bassin méditerranéen, et donc il n'y a jamais eu de ce point de vue-là un monopole absolu. Le problème de l'émergence des États nationaux, comme la France et l'Angleterre, parmi les premiers, c'est au fond la continuation d'une très longue histoire. Qu'est-ce qui caractérise vraiment cet Occident médiéval? C'est le fait qu'à partir de 476, il n'y a plus d'empereur de ce côté-là de l'Empire. Mmh. C'est la grande différence par rapport à Byzance, où il y a 1000 ans d'histoire impériale supplémentaire. Bien sûr. On oublie toujours cette donne-là. C'est cette vacuité du pouvoir politique qui fait que le pape de Rome, si faible soit-il, si sujet aux pressions qu'il ait pu être, y compris dans les moments de reconquête byzantine, etc. Mais le pape de Rome reste la seule référence de l'Empire défunt. Voilà, je crois. Alors, les tentatives de reconstruction, comme la reconstruction carolingienne, se font dans une sorte de concorse discorse avec la papauté. Et lorsque les États nationaux se consolident, il y a là encore une sorte de concours de sacralité. N'oublions pas que Saint Louis, reconnu saint par la même papauté, en héritant du sacre royal français et des pouvoirs thaumaturgiques qu'il confère, de l'aura de sacralité qu'il confère, en menant une vie sainte, essaie aussi, dans la lignée d'ailleurs de ses propres ancêtres capétiens, mmh. essaie d'auréoler la fonction royale d'une dimension sacrée, d'une forte touche de sacralité. De la même manière que les papes sont des chefs d'État dans le patrimoine de Saint-Pierre, qui vont devenir les États pontificaux, et qu'ils ont donc, en dépit de la séparation que disait très justement Michel Sault, entre temporel et spirituel, il n'empêche qu'on le voit bien, il y a des piétinements, des débordements constants d'un domaine dans l'autre. Enfin, je rappelle, Michel disait que l'unité de l'évêque de Rome comme pape de l'Église catholique romaine est certainement un des traits distinctifs de ce millénaire médiéval, sous forme d'une progression, d'un processus. Mais n'oublions pas aussi que l'histoire de la papauté est marquée par des schismes incessants. Bien sûr. Et là, je n'évoque pas le schisme d'Orient de 1054, la division entre l'Orient et l'Occident. J'évoque les divisions internes à la Pars Occidentalis, ou à plusieurs les papes d'Avignon en particulier. Au XIIe siècle, mais surtout évidemment avec le grand schisme du XIVe, il y a eu deux et jusqu'à trois papes concurrents. D'où une nouvelle concurrence entre les papes et les conciles, car lorsqu'il y a plus d'un pape, comment fait-on pour arbitrer pour faire l'unité, quel justement. Est le vrai. C'est compliqué. Donc vous voyez, on le sent bien, je l'espère, dans ce que nous disons, il y a à la fois des références communes, toute une histoire... Des volontés d'unité, tout de même. Des volontés d'unité permanentes. Voilà. Mais ces volontés d'unité sont souvent elles-mêmes la source de division. En fait, il ne s'agit pas de nier que la tradition chrétienne ait été déterminante dans l'histoire de l'Europe. Tous trois, Michel Sault, Elisabeth Lucet et moi, après tout, nous y consacrons notre vie professionnelle, ouais. C'est parce que nous pensons que ça a une certaine importance. Mais le voir sur le mode de l'immobilité, de l'image pieuse, c'est vraiment une vue de l'esprit et une erreur de l'esprit. J'espère que dans ce que nous disons, il est clair que c'est une histoire perpétuellement en mouvement, perpétuellement en tension. On l'a bien compris, en l'occurrence Jacques Delarue. Thank you. Christe qui lux est, un motet de Guillaume de Machaut par l'ensemble Gilles Binchois. Alors, Elisabeth Lucet, vous disiez tout à l'heure que une des particularités des communautés religieuses de la fin du Moyen-Âge, que vous connaissez très bien, puisque c'est ce sur quoi vous travaillez, était justement tension entre régionalisation et volonté d'unité, volonté d'appartenir à un même ordre et en même temps nécessaire obligation due à la naissance de ces États, en particulier de se cantonner dans des régions qui seront beaucoup plus mineures que, géographiquement que l'ensemble de la chrétienté de l'époque, Elisabeth Lucet. Effectivement, donc les ordres sont pris dans des tensions qui sont celles à la fois des tensions politiques, mais aussi celles des tensions que connaît l'Église. Hein, comme Jacques Dallarin l'a rappelé, le pouvoir pontifical se voit durement mis en cause au cours des XIVe et des XVe siècles par le schisme et également par les conciles du XVe siècle. Et ces divisions pèse énormément sur les individus eux-mêmes, sur les moines que vous croisez. Ça les oblige à se penser autrement, d'une certaine façon, que chrétiens appartenant à une chrétienté générale, universelle. Les ordres religieux, les monastères, choisissent, au moment notamment du grand schisme, d'appartenir à une obédience ou à une autre. Chez les chartreux, on a la tenue de deux chapitres généraux concurrents, avec l'élaboration de deux législations concurrentes. Et au moment de la fin du schisme, eh bien, il faut savoir ce qu'on fait pour réunifier l'ordre. Et donc on décide d'abroger toute la législation qui a été prise pendant le grand schisme. Donc on a constamment ces tensions entre le désir d'unité et les velléités régionales, notamment par exemple dans l'ordre cistercien, on voit apparaître au XVe siècle des congrégations, notamment celles fondées par Martin de Vargas dans la péninsule hispanique, qui tentent à se détacher de l'autorité du chapitre général de Citeaux. Et donc ça, c'est un mouvement permanent, comme le disait Jacques Dallarin, entre tension vers l'unité et volonté de se distinguer des autres, d'une certaine façon, d'appartenir de créer son petit ordre à l'intérieur d'un grand ordre. Alors, je pense que c'est lié aussi à l'implantation régionale de chacun des monastères qui donc fonde son existence sur les liens avec les laïcs locaux, les familles locales. Mais ceci étant, la volonté d'unité reste encore très forte. Et dans le pape reste la référence qui chapeaute l'ensemble des ordres religieux. Michel Sault. Une des choses, je crois, sur lesquelles il faut insister à propos de cette Europe chrétienne ou cette chrétienté médiévale, c'est sur la tension constante entre le pape et l'empereur, ou plus exactement, entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Quoi qu'on en pense aujourd'hui, on a une espèce d'idée d'unité. En fait, la tension est constante, d'autant plus qu'il reste quelqu'un, un de ces rois qui devient de plus en plus national, au sens où on l'emploie aujourd'hui, qui est l'empereur du Saint-Empire que nous appelons romain-germanique. Et ce qui crée entre les souverains eux-mêmes une concurrence. Et le roi de France, j'allais dire, conteste cette notion. Et c'est la fameuse formule qui sera finalement adoptée, que le roi de France est empereur en son royaume. Hein, avec cette idée qu'il faut que ce pouvoir politique ait aussi une dimension impériale que moi je continue à relier à Charlemagne et même à Constantin. Et à Théodose. Hein, et donc, il y a cette volonté d'affirmer ce type de pouvoir, de pouvoir qui est en concurrence du roi et de l'empereur qui caractérise cette période aussi. Et puis, ce qui caractérise la fin de cette période, c'est effectivement la naissance d'un autre empire à l'est de ce continent européen, l'Empire ottoman, qui va profondément bouleverser, là encore, l'ordre chrétien dans cette région. La chute de Byzance, l'arrivée des Ottomans, va contribuer à peut-être aussi rassembler la chrétienté sur un territoire plus petit. Oui, alors c'est un des points que j'ai plaisir à souligner en terminant, d'autant plus que je rentre de Turquie, qui est que l'Empire ottoman, il est à Budapest, enfin à Buda, il est à Vienne. Il est donc au XIVe, XVe siècle, et plus forte raison au XVIe et XVIIe, une de ses forces qui, j'allais dire, resserre le christianisme sur l'Europe occidentale. En 1453, les Turcs prennent Constantinople. C'était le dernier réduit de l'Empire romain continué, qui était cet empire byzantin. Et cette date de 1453 marque, en effet, la fin d'une grande époque, peut-être la fin du Moyen-Âge, mais là aussi, c'est une discussion, puisque voilà, Jacques Le Goff soi-même pensait que le Moyen-Âge continuait bien au-delà de 1453. Et je suis d'accord avec lui. Merci. Et il commence bien avant 1476. Merci en tous les cas à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Ça n'était pas si évident de résumer en 50 minutes un millier d'années d'histoire du rapport entre cet espace géographique qui est devenu l'Europe depuis et puis la chrétienté. Je ne peux que conseiller de vous lire donc, dans cette nouvelle traduction que vous avez coordonnée donc, avec Christiane Vérard-Côme, donc chez Aux Belles Lettres, Michel Sault, des Ginards, la vie de Charlemagne. Ça vient tout juste de sortir. Et quant à vous, le commentaire du Cantique de Frères Soleil, Jacques Dallarin, François d'Assise réconcilié chez Alma Éditeur, est un véritable bonheur de lecture et d'écriture. J'imagine ça a été un bonheur d'écriture pour vous. Et pour vous, Elisabeth Lucet, on peut vous lire en particulier dans ces volumes qui ont commencé à apparaître de cette collection qui s'appelle Enfermement, donc de grands colloques que vous co-organisez donc, du côté de Clairvaux, c'est ça, et de Troyes. Voilà, effectivement, c'est un projet de recherche Enfermement sur l'histoire comparée entre les espaces monastiques et les espaces carcéraux que je coordonne avec Isabelle Landonna, Julie Claustre et Falk Prechtschneider. Et donc, il y a deux volumes parus, je crois. Alors, donc, le premier est paru et le deuxième devrait paraître avant la fin de l'année. Il est consacré aux règles et dérèglements dans les milieux clos. Donc, justement, et ça correspond et monastère. Prison et monastère, ça correspond à notre sujet du jour. Merci à tous les trois, en tous les cas, et merci aussi à la RAI qui vous a accueilli dans ses studios Jacques Dallarin à Bologne. Et à bientôt. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marionne Bolivier et Aurélie Marcet. Vincent Ronet était à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Demain, nous serons en direct de Londres pour évoquer les courriers, les correspondances envoyées par les Français à la BBC pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous serons le 8 mai et nous serons dans les studios de la BBC avec Aurélie Nuno et des historiens donc britanniques qui travaillent sur les rapports entre France et Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous voulez écouter ou réécouter cette série d'émissions sur l'Europe, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.franceculture.fr. Vous pouvez les écouter, ces émissions, pendant 3 ans après leur diffusion, les télécharger pendant l'année qui suit et puis également laisser vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.